Découvrir Bruxelles insolite, c'est désormais possible avec l'agent 32. Ce guide un peu particulier, sorti tout droit de l'imagination d'Hergé, propose des rondes, des balades au cœur de la capitale bruxelloise et des communes environnantes. Sa mission, dénicher des bâtiments à l'architecture particulière, des lieux riches en histoire et en petites anecdotes. Il a entraîné Valérie Wackenheim au cœur du quartier des Marolles. Alors on est très exactement sur la place du jeu de balle, puisque c'est ici que Tintin a acheté la maquette qu'il a offert ensuite dans son aventure au capitaine Haddock et qui a été le départ du fameux secret de la licorne. Alors c'est une place qui est terriblement importante au cœur de ce quartier. Elle est tellement chère aux yeux de ses habitants que s'y sont tenues des batailles célèbres, et notamment contre un vilain échevin qui voulait remplacer ses superbes pavés tout cabossés par un splendide tarmac flambant neuf afin de faciliter le travail des éboueurs qui quotidiennement doivent évacuer les quelques détritus qui traînent sur la place après le marché. Mais c'était sans compter sans l'esprit un peu rebelle des Maroliens qui ont automatiquement fait un cadastre de chaque pavé, et les gens par souscription pouvaient acheter un pavé des Marolles, et donc les pavés ont été sauvés. Un des propriétaires célèbres d'un pavé des Marolles ne s'appelle ni plus ni moins qu'Eddy Merckx. Bah, super anecdote. Est-ce qu'on peut se balader avec sa BD? On vient avec sa collection de Tintin dans si vous voulez. Il y en a quand même un peu plus que 20, donc ça va quand même être lourd. Sachez, Lidwin, vous qui connaissez peut-être, mais ceux qui ne connaissent pas, qu'à quelques pas de la place se trouvent des petites boutiques tout à fait insolites où se cachent de véritables trésors. Nous sommes ici devant la boutique d'une marolienne pure souche chez Maude. Cette dame est une actrice de théâtre en telle. Elle déniche des vieux vêtements un peu partout, des vêtements de toute beauté. Regardez dans la vitrine ici, vous avez des superbes capes en dentelle, des vêtements qui datent du début du siècle, des chapeaux années folles, des chapeaux melons. Tout ça est remis avec une patience infinie au goût du jour par la propriétaire. Enfin bref, c'est l'endroit de Bruxelles où vous pouvez dénicher la pièce de costume 1900 vraiment authentique. C'est super chouette, on peut jouer les touristes à Bruxelles et redécouvrir la ville, c'est génial. Et oui, et si ça vous tente d'ailleurs, rendez-vous sur le site www.lesrondesdelagent32enunmot.be. Pourquoi l'agent 32, on sait ça? L'agent 32, donc, c'était imaginé par Hergé. Ah oui, d'accord. Et donc ça découle de là. D'accord. Alors sachez d'ailleurs qu'à 13h, on aura d'autres idées de sortie et puis d'autres idées également de cet agent 32 qui nous fera encore découvrir quelques lieux insolites à Bruxelles. Donc restez attentifs tout ce vendredi si vous voulez mieux connaître Bruxelles. Rendez-vous à 13h pour le prochain journal du week-end et puis à 16h aussi tout à l'heure. Merci Nicolas, à tout à l'heure. À tout à l'heure.